IvoireMixDJ.com. DJ Tonal, t'as la femme là, tu vas voir, eh oh. La femme là, tu vas voir, eh oh. Avec qui je veux voir, eh oh. Avec combien tu vas voir, hier ou jeudi tu vas voir. Tu vas voir, va voir et comment elles vont danser. Tu vas voir et comment elles vont claquer. Tu vas voir et comment elles vont claquer. Tu vas voir. No. DJ. Yeah.

Katia Zenita. Yeah. Eh, Macheza Piauba. Na Katia Zenita. Macheza Piauba. Macheza bien, Macheza bien. Ok, on va leur dire de Kinshasa à Brazza, en passant par Pointe-Noire. C'est ambiance de fou matin, midi et soir. Espoir à balayer le désespoir. Maintenant, c'est tout un peuple qui crie victoire. Est-ce que vos âmes à l'amour, la Ligue Bino, Miki, oh, ça c'est entre nous. Eh, le Zénith, tous les bras en l'air. On y va, Tarantino. Le ping-pong.